dans un vortex dans l'espace, les choses deviennent obscures. Tout ce qui était clair devient noir, le soleil en négatif. Tu te mets des lunettes de moto, t'es comme Stevie Wonder. Un autre touriste de l'espace fourré par son GPS. C'est comme aller dans la brousse, partir sur une chine. On finit par se perdre, y'a plus de point de repère quand tu décris dans l'espace. Au début c'est ben trippant, partir vers le néant. Ouais, la terre a aptissé, c'est bizarre comme t'aimes ça. Tu t'en vas tout droit vers nulle part, tu penses connaître le chemin. Mais quand tu te revires de bord, y'a plus rien autour de toi. C'est comme aller dans la brousse, partir sur une chine. On finit par se perdre, y'a plus de point de repère quand tu décris dans l'espace. C'est comme aller dans la brousse, partir sur une chine. On finit par se perdre, y'a plus de point de repère quand tu décris dans l'espace. C'est comme aller dans la brousse, partir sur une chine. On finit par se perdre, y'a plus de point de repère quand tu décris dans l'espace. C'est comme aller dans la brousse, partir sur une chine. On finit par se perdre, y'a plus de point de repère quand tu décris dans l'espace. Quand tu décris dans l'espace. Quand tu décris dans l'espace. Yeah, yeah bingo. On poursuit avec Facta. Oh boy, une vieille tonne.